Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dans ce livre, les bateaux naviguent, les vagues répètent leurs chansons, les vignerons descendent des collines des cinq terres sur la riviera génoise. Les olives sont gaulées en Provence et en Grèce, les pêcheurs tirent leurs filets sur la lagune immobile de Venise ou dans les canaux de Djerba. Des charpentiers construisent des barques pareilles aujourd'hui à celles d'hier. Et cette fois encore, allez regarder, nous sommes hors du temps. Ainsi s'ouvre la Méditerranée, le livre que fait paraître en 1977 l'historien Fernand Braudel. Le premier volume s'intitule « L'espace et l'histoire », le second « Les hommes et l'héritage ». Quel héritage nous laisse Braudel, l'historien, face à la mer ? J'ai aimé la Méditerranée comme tous les gens qui ont eu le privilège ou l'inconvénient de naître très loin de ses rivages. Et le premier contact que j'ai eu avec elle en 1923 était une sorte de ravissement et d'éblouissement, et si bien que toute ma jeunesse a été consacrée aux pays méditerranéens. Et je crois que je connais toute la Méditerranée. Nous venons d'entendre Fernand Braudel qui disait avoir découvert la Méditerranée en 1923. Il avait alors 21 ans. Bonjour Anne Lizneff. Bonjour Xavier Mauduit. Sachant que vous n'allez pas me répondre non, faut-il lire la Méditerranée de Fernand Braudel ? Alors oui, certainement. La question est de savoir pourquoi et comment, plutôt. Mais c'est effectivement un grand livre. Alors quand on dit la Méditerranée, en plus, on peut renvoyer à plusieurs ouvrages de Fernand Braudel, puisque depuis les origines, donc depuis sa thèse, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, il n'a cessé de travailler sur cet espace et sur cet objet même. Maurice Aymard, bonjour. Oui, effectivement, il faut replacer ce livre auquel vous êtes référé, qui est en fait le produit d'une série télévisée de 12 émissions de 50 minutes qui a été projetée à l'automne 76 et qui a changé le statut de Fernand Braudel. Réellement, il est devenu quelqu'un de connu de l'ensemble du public et pas seulement du monde des historiens. Pour rappeler des chiffres très, très simples, les deux premières éditions, les seules française de sa thèse, soutenue en 47, écrite en captivité, soutenue en 47, au janvier 47, publiée en 49, rééditée avec une seconde édition en 66. C'est 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, 1500 la première, 3500 la seconde, tout épuisé. À ce moment-là, c'est 5000 exemplaires, c'est-à-dire essentiellement un public universitaire et intéressé par le monde de la recherche. À décembre 76, à la Noël 76, après cette projection des émissions de télévision, changement de statut, la Méditerranée est un livre sorti en poche, c'est un livre cadeau à la FNAC à Noël, et 50 000 exemplaires dans la seule année qui suit. Succès d'édition. Et donc, un Braudel qui est à la retraite depuis 72 officiellement, qui a été un historien important dans un milieu qui avait bien entendu pas mal de ramifications, mais limité, qui avait été peu traduit, sauf en italien, jusqu'en 73-74, la traduction américaine, change de statut parce qu'il va être adopté par les étudiants et il touche le grand public. Et oui, c'est ça, hein, cette histoire qui est fascinante parce que plusieurs histoires se mêlent. Il y a celle de la Méditerranée, celle de Fernand Braudel, celle de ce livre. Et vous l'avez rappelé, Maurice Aymard, hein, vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ce livre, publié en 1949, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, c'est la thèse de Fernand Braudel. Et puis, dans les années 1970, ce succès d'édition, La Méditerranée, entre les deux, que s'est-il passé ? Ben, vous nous l'avez dit, une émission télévisée. Les Phéniciens passent pour avoir inventé la tonara, que les Grecs et les Romains après eux ont pratiquée, mais ce sont les Arabes qui l'ont codifiée. Le vocabulaire, pour l'essentiel, appartient à leur langue. Ainsi, l'enclos que constituent les filets, c'est la madrague, d'un terme arabe, al-mazraba, qui signifie « enceinte ». C'est le mot arabe lui-même, Raïs, qui désigne le chef. Les tons sont aperçus. Les ordres sont donnés. Les portes du piège levées. Un chant salue l'entrée des tons, la chaloma, et salue précisément en arabe, c'est Salem. En 1976, 12 émissions de 50 minutes sur la troisième chaîne de la télévision française confiées à l'historien Fernand Braudel. Oui, c'est possible, avec un succès public immense. Maurice Aymard, ça s'est construit comment cette histoire d'émission? C'était quoi ce projet-là? Je n'en connais que le point d'arrivée, parce qu'il y a un amont de discussion entre chaînes. C'était la régie télévisée d'Europe 1, puis ça a changé. Il y a eu un premier essai, puis ils sont vraiment retournés vers Braudel, et ça a été tourné, je dirais, entre 64, essentiellement 74-75 et début 76 à Rome et ailleurs, avec une équipe restreinte, et Braudel présent, c'est-à-dire les organisateurs de chaque émission. Le choix des 12 avait été décidé par Braudel, en tout cas proposé par lui et accepté par les autres. Et puis, il y a une équipe de conseillers. Alors Braudel était interviewé au départ pour fixer les directives, puis on interviewait un certain nombre de personnes. J'en ai été parce que c'est beaucoup appuyé sur l'école française de Rome à ce moment-là où j'étais. Et donc, et ensuite, les responsables de l'émission arrivaient avec un projet qu'on critiquait. Bon, et puis, il y a eu des idées d'endroits où filmer. Et puis, il y a eu une division des tâches entre les cinéastes, si vous voulez. Alors, Braudel a eu, il y a à peu près, je crois, sur les 12, il doit en avoir 6 qui ont été réalisés par un très grand réalisateur, Folco Quilici, qui a marqué, qui avait tourné avec Braudel avant, notamment sur l'Italie vue d'avion, il y a un film sur Sienne remarquable, etc., etc. Donc il y a eu une symbiose, une familiarité entre Braudel et tous les responsables autour de lui. Et puis pour tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'y participer, ça nous permet de nous revoir beaucoup plus jeunes maintenant. Vous en conservez un bon souvenir. Ça a été une expérience extrêmement, extrêmement amusante qui nous a changé de notre simple vie de chercheur. Anne-Lise Neff, c'est un moment ça aussi dans ces années 1970, émission de télévisée. C'est pas rien, 12 fois 50 minutes. Alors oui, de fait, c'est un documentaire qui est assez extraordinaire. Alors je voudrais juste peut-être nuancer un peu. Ça n'a pas eu un immense succès télévisé. C'est ça qui est un peu étonnant. C'est que le succès est venu par le livre. Mais il n'y a pas eu une audience très forte, probablement parce qu'il y avait une exigence dans ces documentaires qui était quand même assez, assez forte, hein, quand on le regarde. Alors c'est vrai qu'il y a de très belles images, mais on a quand même régulièrement soit Fernand Braudel, soit un autre un peu... Alors aujourd'hui, c'est assez choquant comme type d'image, c'est-à-dire quelqu'un un peu figé, qui déclame un peu sur un paysage méditerranéen, ça passe plus du tout, hein, inutile de dire. Mais paradoxalement, ce sont devenus des épisodes qui sont presque un objet d'histoire parce qu'en fait, ils documentent une réalité de la vie en Méditerranée, agricole, de pêche, comme on vient de l'entendre, etc., qui sont des réalités qui ont disparu ou qui n'existent quasiment plus. Donc pour nous, c'est presque un objet d'histoire. Mais de fait, ça n'a pas été un grand succès, probablement parce que trop exigeant. Le livre a beaucoup mieux marché. Le livre qui apparaît juste après, en 1977, que l'on retrouve en poche, publié chez Champvallon, les couvertures jaunes. Non, mais c'est un passage obligé. Tous les étudiants, étudiantes en histoire connaissent la Méditerranée de Braudel, mais pas seulement en histoire. Enfin, vous l'avez rappelé, Maurice Aymard, il y a un vrai intérêt du public à ce moment-là sur la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut expliquer cet intérêt ? Parce que la Méditerranée est au cœur d'intérêts culturels, d'intérêts politiques, etc., etc. Ceux qui l'ont lu et le citent, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup qui le citent sans l'avoir lu, ils en ont entendu parler, ils pensent que ça fait chic d'en parler, les hommes politiques, etc., etc., c'est devenu la mode. Il y a l'ouverture de l'Union européenne en direction de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, qui, et puis il y a un nouveau contact avec la rive sud qu'il faut construire. Ça arrive à un bon moment. Je serais peut-être pas forcément d'accord avec vous parce que les émissions ont été projetées une fois. Elles sont passées par petits bouts. Mais la réalisation, les réalisateurs en étaient fort contents des chiffres qu'ils ont eus à l'époque. Donc il faut comparer une série de cette importance, parce que c'était la première de cette dimension-là, avec ce qu'ils pouvaient en attendre. Et d'ailleurs, à tel point qu'ils ont, l'expérience a été répétée quelques années après, avec 8 émissions sur l'Europe. Donc, alors on peut s'interroger sur les étapes du cheminement. Puis il y a des moments où ça s'accélère. Si vous voulez, quand je vais pour la première fois aux États-Unis en 77, j'ai 3 heures d'arrêt à Kennedy, je me balade dans l'aéroport, et qu'est-ce que je trouve à la librairie, bon, où on achète des romans policiers ou des choses comme ça, Brodel, Ma Méditerranée en anglais, en livre de poche, parce que les étudiants américains l'ont adopté. Ah oui, parce que c'est vraiment cela qui se passe aussi. Hein. C'est une histoire qui nous concerne, nous, dans notre monde un peu français, franco-français de l'université, et pas seulement de tous ceux qui réfléchissent à l'histoire, mais avec La Méditerranée de Brodel. Et je le redis bien, hein, il y a la parution en 1949 de sa thèse, ça reste discret, c'est en 1977, quelque chose d'international aussi. Vous, Anne-Lise Neff, comment vous pouvez expliquer ce succès, ou en tout cas cet intérêt autour du livre La Méditerranée de Brodel? Je pense que ce que fait Fernand Brodel, alors après on peut penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose, on pourra peut-être en discuter après, c'est d'instaurer en fait la Méditerranée comme un objet, ce qui jusque-là n'était pas le cas. Et d'ailleurs, dans un premier temps, sa thèse aurait dû être quelque chose du genre « La politique de Philippe II en Méditerranée ». Mais dans le titre définitif, on voit bien que ce qui vient en premier, c'est la Méditerranée. Ce qu'il va penser, c'est cet espace, c'est ce contact entre civilisations, ce lieu d'échange, puisque ce sont un peu les 3 parties de sa thèse. Et je pense que c'est ça qui a séduit, c'est le fait que soudain surgissait un objet nouveau qui sortait pas de nulle part. C'est un objet dont on a bien montré que ça sortait aussi en partie d'une pensée coloniale liée à la colonisation de l'Algérie, que c'était une manière d'essayer de penser ensemble le destin de la rive sud et de la rive nord, avant même ce que disait Maurice Aymard, c'est-à-dire les intérêts politiques postérieurs qui ne se sont évidemment jamais démentis. Donc c'est tout ça que charrie Fernand Brodel. Et bien entendu, il parle aussi à ceux qui sont dans cette dimension-là, jusqu'en 1962 en particulier. Et puis, de toute façon, on le sait bien, la pensée ne vient pas de nulle part. Nous sommes tous les héritiers de ce qui s'est passé avant. Et qui doit-on trouver quand on remonte le fil pour essayer de comprendre la pensée de Fernand Brodel? C'est peut-être Monsieur Pirenne. Alors là, je vous mets la famille, Pirenne, le fils, le petit-fils. Mon grand-père, Henri Pirenne, a attiré jadis l'importance du rôle des échanges et du commerce dans le développement de l'histoire des villes au Moyen-Âge et même dans le développement des sociétés. Ces notions, mon père les a projetées dans l'histoire de l'Antiquité en recherchant et en montrant qu'il y avait eu dans l'Antiquité de très grandes civilisations suivies de décadences comparables à celles du Moyen-Âge pour revenir à des renaissances et à de nouvelles grandes périodes de prospérité. Et c'est pourquoi il a jugé qu'il était intéressant de faire une histoire universelle pour montrer combien l'évolution que nous avons suivie depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre temps est une sorte d'évolution continue qui trouve ses bases dans l'Antiquité. Ici, nous venons d'entendre Jacques-Henri Pirenne, qui est le petit-fils de l'historien belge Henri Pirenne, avec toute cette réflexion autour des notions de civilisation. C'est quelque chose qui marque vraiment la pensée de Brodel. Brodel est un homme de son temps. Il naît en 1902. Il y a cette éducation, il y a cette vision du monde. Des gens comme Henri Pirenne, par exemple, comment pouvait-il concevoir ce monde méditerranéen? C'était un monde en une frontière, la Méditerranée, ou un monde d'échange? il est au cœur d'un grand débat sur Mahomet ou Charlemagne qui a animé le milieu des médiévistes européens. Et qui fait qu'il est encore cité, il est réédité, même si le débat est en partie dépassé. Mais avant de rentrer, le thème des civilisations arrive dans Brodel. J'insisterai sur le fait que nous avons maintenant la correspondance entre Brodel et Fèvre pendant ces années de captivité, pendant la drôle de guerre d'abord et pendant ces années de captivité, est entièrement conservée. Elle est transcrite, sera publiée un jour. On y voit naître le livre. Et je crois qu'il faut partir de l'écriture du livre. Parce que, j'irai plus loin qu'Annelise de ce côté-là, la Méditerranée, pour lui, devient, quand il écrit le livre, non pas un objet, mais un sujet. Le livre est un roman, écrit en captivité, c'est-à-dire, il y a des échanges de lettres, l'équivalent de 2 pages d'écriture par mois. Et puis, mais il n'y a aucune visite, il n'y a aucune permission, il n'y a aucun contact avec le milieu extérieur que ses correspondants. Et Brodel est sans ses fiches, sans ses dossiers. Mais c'est quelque chose... Il écrit entièrement de mémoire. Ouais, on a du mal à imaginer ça. Hein. Pendant les 5 années de captivité de Fernand Brodel en Allemagne, il rédige un livre et sans vraiment... Alors, toutes ces notes, hein, vous l'avez évoqué, il les a pas. Il n'a pas les ouvrages aussi. Non, il va avoir des ouvrages supplémentaires qu'il lit, notamment dans les 2 premières années à Mayence, parce qu'il y a une grande bibliothèque, beaucoup moins en captivité, parce qu'il y a quelques livres qu'il reçoit. Mais il avait eu, pendant 2 mois de l'été 39, le temps de relire son fichier et d'y mettre un peu d'ordre. Mais il a tout dans sa tête. Et ensuite, en l'espace d'un an, il a ajouté le minimum, il a fait le minimum de vérification. Et c'est un roman. Et en plus, Fèvre lui dit, dépêchez-vous, écrivez, la thèse, ça compte pas. La vraie vie commence, de l'historien commence, elle commence après sa thèse. Donc, et Brodel est persuadé, ne lui répond pas, cause toujours, tu m'intéresses. Mais en fait, il le pense, il sait qu'il veut faire un chef-d'œuvre. Et il le sait déjà. Il a écrit. Alors, ensuite, le problème, il y a tout ce qui va du géophysique au culturel, à tous les sens de mots, y compris au sens anthropologique. Pour un certain moment, le mot de civilisation devient le terme qui couvre le plus largement les sociétés dont il parle. Et Brodel a besoin toujours, c'est ce qu'il invente, c'est finalement aussi à ce moment-là une histoire qui s'écrit depuis plusieurs points de vue, et non pas depuis un seul, et surtout pas du point de vue de Sirius, et qui envisage les choses à différentes échelles, en prenant à chaque fois des termes de plus en plus larges. Et ça, c'est une chose qu'il a inventée en écrivant, parce qu'il n'a pas écrit une version, il en a écrit 5. Avant d'arriver à la version définitive. Non, c'est-à-dire, il écrit, un Brodel comme théorie, si tu corriges, tu compliques. Si tu veux corriger, il faut réécrire. Parce qu'en réécrivant, tu peux simplifier. Et il écrit dans son baraquement surtout à Lübeck, il écrit sur des petits cahiers d'écoliers qui sont les seuls papiers qu'on puisse acheter à la cantine du camp, au crayon, l'encre est interdite, il en écrit 5 versions, et qu'il envoie consciencieusement, alors il n'a même pas gardé copie, donc il réécrit de mémoire, ce livre il a porté, il a vécu avec, et... Dernière question que je lui ai posée un mois avant sa mort, et à laquelle il a répondu, si je n'avais pas été en captivité, je n'aurais jamais écrit ce livre. C'est la captivité, ce sont les contraintes qui l'ont pensé à réfléchir. Ce sont les contraintes qu'il a transformées. Alors le terme civilisation, c'est le terme le plus large, parce qu'il a toujours besoin, c'est des métaphores qu'il a souvent reprises, j'ai besoin de tenir mon sujet dans la main, dans une main. Avec cet historien en captivité, quelques livres, bien sûr, mais pas autant qu'il le voudrait. Il n'a pas ses notes. Il écrit, il invente, avez-vous dit Maurice Aymard. Mais vous avez cité également le nom de Lucien Febvre. Il faut quand même rappeler Anne-Lise Neff que Fernand Braudel s'inscrit dans un moment de la pensée où apparaissent Lucien Febvre, Marc Bloch. On en est où à ce moment-là? Et tout ça en écho avec ce que nous disons, hein, la pensée sur les civilisations, les regards autres. Alors de fait, il faut rappeler que revenir un petit peu sur son histoire, il est envoyé enseigner à Alger en 1927, et c'est là en fait qu'il s'intéresse à 23 pardon, et c'est là qu'il s'intéresse à Pirène en fait. Alors on est passé un petit peu vite sur Pirène, mais c'est vrai qu'il a une importance puisque il essaie de penser en particulier ce que la conquête islamique a fait à la Méditerranée. Alors pour lui, ça a en partie fermé les échanges. Donc on est au 7e siècle. Et ça a permis, d'une certaine manière, l'essor de l'Europe du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, sans l'islam, Charlemagne n'est pas possible. C'est ça l'idée de Pirène. Et d'une certaine manière, du coup, il pense le cadre méditerranéen dans son ensemble. Et c'est ça qui séduit effectivement Braudel. Mais Braudel, c'est aussi Sao Paulo. Donc il est envoyé à Sao Paulo dans les années 30 pour enseigner, pour fonder avec d'autres, pour aider à fonder une faculté sur place. Et là, il rencontre Febvre. Et c'est une sorte de coup de cœur, enfin plutôt une relation filiale d'ailleurs qu'un coup de cœur. Et ce qui va fasciner, me semble-t-il, mais Maurice Aymard me corrigera si je me trompe, Braudel chez Lucien Febvre, c'est en particulier l'importance de tout ce qui est géographique. Febvre a écrit un ouvrage qui s'appelle « La Terre et l'évolution humaine qui est un livre très important pour Braudel. Et de ce point de vue, la Méditerranée est vue d'abord comme un espace géographique dans lequel il se passe tout un tas de choses. Mais la notion de géohistoire, l'importance de la géographie, et ça a un lien avec les civilisations, parce qu'en fait, pour lui, la civilisation, c'est d'abord un cœur géographique. C'est-à-dire que tout ensemble, toute entité sociale et humaine, donc que lui appelle civilisation, se rapporte au départ à un cadre de vie qui explique un certain nombre de ses caractéristiques. Il peut en sortir, mais en général, il y revient. On en parlera peut-être. Il y a un petit côté déterministe, excusez-moi, hein, Anne-Lise Neff, quand je vous entends. Non, mais il y a un cadre de vie qui sous-tend un mode de vie. Est-ce que c'est cela? Mais faut le rappeler, hein, et sans cesse le souligner, Fernand Braudel naît en 1902. C'est un homme qui est marqué par la pensée de son temps où la géographie est très déterministe. Alors, on considère que tel lieu va engendrer tel comportement. Alors c'est un homme de son temps et je voudrais quand même insister là aussi sur la chronologie. C'est-à-dire qu'on, Maurice Aymard disait tout à l'heure que Febvre lui disait de se presser, mais c'est pas les thèses d'aujourd'hui. Il soutient sa thèse, il a quand même 45 ans, hein, ce qui aujourd'hui est plus rarement le cas. Donc c'est déjà l'œuvre d'un homme mûr, où effectivement ça peut être un peu son chef-d'œuvre. Mais il arrive à un moment, et notamment lorsqu'il y a réédition de la thèse en 66, où il se passe d'autres choses dans le champ de l'histoire. Et en particulier, un certain nombre de disciplines sont en train de naître, comme la sociologie, qu'il considère, mais un peu, voilà, un petit peu à la marge, ou au moins seulement une certaine sociologie. Et c'est vrai que lui reste dans quelque chose qui est beaucoup plus déterministe, beaucoup plus marqué par la géographie et par les civilisations. Oui, parce que c'est vraiment ça, hein, qui nous intéresse avec la pensée, l'évolution de la pensée d'un homme comme Fernand Braudel. Je le disais, homme de son temps, mais bien sûr comme nous sommes tous de notre temps, mais avec la capacité de penser au-delà. Et c'est ce qu'il fait en compagnie de Marc Bloch et de Lucien Febvre. Oui, oui, oui. En fait, oui et non. Parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire à partir du point d'arrivée. Braudel rencontre Febvre, c'est là qu'il le connaît, en septembre, en octobre 37, sur le bateau rentrant d'Amérique du Sud. Brodel revient d'une tournée de conférences où il a passé un mois en Argentine. Brodel, qui déménage avec sa femme, il rentre en Europe définitivement. Ils sont pendant les, je sais pas, les deux ou trois semaines du voyage en bateau. Parce que Brodel monte à Santos, qui est le port de San Paolo. Ils voyagent ensemble. C'est là qu'ils se connaissent. Je crois que Brodel, avant, l'a dû croiser une fois ou deux fèvres. La géographie, pour lui, c'est pas tellement la Terre que, en fait, le géographe qui cite toujours, c'est Vidal de la Blache. C'est tout de même la référence, et il est jusqu'au bout, c'est à ça qu'il se réfère. Mais, s'il veut vouloir, c'est réconcilier véritablement géographie et histoire, parce que c'est tout de même lui qui invente ce mot-là. Il a derrière lui les grandes thèses de géographie régionale qui sont parues dans les années 10 et 20. Et à ce moment-là, donc, Brodel aura un mauvais rapport avec Marc Bloch, qui voit d'un mauvais œil ce jeune homme ambitieux et qui parle fort entrer, venir lui faire concurrence à côté de Fèvre. Et Fèvre adopte Brodel, il finira par l'appeler fils. Mais ils ont passé deux années ensemble, c'est-à-dire très peu de choses. Ils ont vécu un mois ensemble pendant l'été 39. C'était beaucoup plus une influence personnelle. Et Brodel a, on le voit dans sa captivité, a dans sa bibliothèque les trois derniers numéros des Annales. Il n'a pas la série avant, puisqu'il demande à Fèvre de lui compléter sa collection. Et oui, parce qu'il y a dans cette histoire-là les Annales qui ont tellement, tellement marqué l'histoire de l'histoire au XXe siècle et aujourd'hui encore, Fernand Brodel, à propos des Annales. Le mouvement s'est organisé grâce à la plus vivante des revues historiques françaises, les Annales, fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Fèvre. Marc Bloch, héros de la résistance, a été fusillé par les Allemands en 1944. Lucien Fèvre a continué jusqu'à présent son ardent combat. Il a lutté pour une revalorisation de l'histoire, pour un élargissement de ses méthodes et de ses horizons, en faveur d'un humanisme, d'une conquête nouvelle et passionnante de l'homme. À devenir conquérante, l'histoire a dû se réformer elle-même, subir tout un choc en retour, modifier ses ambitions, ses desseins, ses structures, ses problèmes, ses armes. Mais pour vous entretenir de ces transformations comme il conviendrait, je devrais vous parler beaucoup plus longtemps qu'il ne m'est possible de le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous laissons la parole à Anise Neff et Maurice Aymard pour réfléchir à cette figure d'un historien face à la mer, Fernand Brodel. Ici, nous étions en 1955, quand Brodel parlait de l'aventure des Annales. Anise Neff, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Peut-on dire que le travail de Fernand Brodel, la Méditerranée, c'est un ouvrage type de l'école des Annales? Alors, il faudrait déjà qu'il y ait un ouvrage type de l'école des Annales. C'est-à-dire que je crois qu'on a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas une école des Annales. Et c'est précisément tout l'intérêt des Annales, si je puis dire. Puisque déjà, Marc Bloch et Lucien Fèvre ne sont pas sur les mêmes positions. Quand je parlais tout à l'heure de la sociologie, Marc Bloch est très attentif à la sociologie dès les origines de cette science, il le dit. Pour lui, il n'y a pas de différence entre la sociologie et l'histoire. Lucien Fèvre est complètement sur une autre voie. Donc en fait, ce qui fait la force des Annales, à mon sens, outre la critique de l'école méthodique un peu limitée, c'est en fait son foisonnement. Et si on peut dire que Fernand Brodel a une politique intéressante à la tête des Annales après la disparition de Lucien Fèvre en 1956, c'est précisément d'avoir maintenu ce côté, disons, un peu expérimental, de donner de la place à des chercheurs nouveaux. Mais je ne parlerai pas d'école des Annales, en effet. Et par ailleurs, vu tout ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'écriture de la thèse de Brodel, je pense que, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, c'est quand même un style et une manière d'aborder l'histoire qui renvoie beaucoup plus aux années 30, qu'elle ne se projette dans ce que nous imaginons de l'histoire des Annales post-années 50. En fait, c'est aujourd'hui, à mon sens, sa thèse, quand on la lit, alors effectivement, c'est un côté un peu roman, mais c'est un côté aussi un peu vieilli. C'est-à-dire que ça paraît manquer un peu de rigueur. C'est très rhétorique, quand même, comme manière de d'écrire. Voilà, donc je serais un peu nuancée sur la place des annales. Non, mais de la nuance, toujours de la nuance. Maurice Aymard, quand nous évoquons le travail de Fernand Braudel, et vous l'avez rappelé tout de suite en début d'émission, la Méditerranée, il n'y a pas qu'une Méditerranée. Alors déjà, quand on regarde une carte, mais il n'y a pas qu'une Méditerranée quand on regarde la bibliographie de Fernand Braudel. Peut-on lire Braudel, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, la thèse de 1949, et puis la Méditerranée dans les années 70, et voir comment il a pu suivre l'évolution de la pensée historique? Mais, il a suivi, mais il l'a accompagné. Il faut bien dire que la lecture qu'on propose à Lise est certainement très justifiée, mais en même temps, il ne faut pas oublier que pour toute la jeune génération d'historiens qui arrive, qui a 20 ans, 44 ou 45, hein, 21, 22 ans, qui passe à l'agrégation, etc., etc. Mettons la génération Le Goff, Furet, etc., etc. C'est un livre qui les a accompagnés et qui les a permis d'aller de l'avant. Ça, c'est une première chose importante. Et puis, il se fait normal qu'à un certain moment, la recherche historique est évoluée dans d'autres directions. Mais il faut bien voir que ce qui a compté à ce moment-là, c'est pas seulement la revue a été importante parce qu'elle a publié, mais comme c'est Fèvre qui écrit ça vers 49-50, les annales maintenant, c'est les annales plus la sixième section de l'école pratique des hautes études. C'est-à-dire une institution où on va pouvoir recruter, on va pouvoir inviter des chercheurs étrangers jeunes, recruter des gens dans toute une série d'autres disciplines de France et de l'étranger, parce que c'est un grand moment de l'internationalisation. La seule institution qui pouvait, en 50, recruter des professeurs étrangers, c'était le CNRS. C'était le seul. On ne pouvait pas être nommé professeur à l'université. Mais moi-même, en 76, j'ai été élu à Catane. Et l'élection a été cassée par le conseil de l'université parce que on ne pouvait nommer un professeur étranger en Italie que s'il n'y avait pas de cultore et de la materia de spécialistes sur le sujet. On était nommé élu à l'école au même moment, donc c'était une attitude donc normale dans le monde universitaire et que le milieu a cassé. Alors ensuite, il y a les fidélités, parce que les rapports personnels et les rapports intellectuels sont pas forcément les mêmes. Je me souviens, à deux reprises, j'ai entendu Braudel dire, dans le fond, mon histoire a été un peu injuste, parce que j'ai pas eu de bon rapport avec Bloch et j'ai pas eu le temps d'en rétablir de vrai, parce qu'il l'a vu 4 ou 5 fois en 37-39. Et j'ai eu un rapport d'amitié qui a été longuement déterminé par cet échange de correspondance, parce que Fèvre l'a soutenu humainement, à bout de bras, Fèvre et la famille Fèvre. Mais il y a un rapport d'amitié avec Fèvre. Mais sur le plan intellectuel, si on regarde les choses, le vrai héritier de Fèvre, c'est Foucault. C'est le vrai successeur. C'est pour ça que vous avez l'histoire de la folie fait l'objet de 2 comptes rendus dans les annales. Un par Mandrou, et Braudel furieux, en écrit un deuxième. Et inversement, le vrai héritier, l'héritier intellectuel, historien, de Marc Bloch, c'était moi. Voilà. J'aurais dû être l'héritier universitaire de Marc Bloch et pas du tout apparaître comme l'héritier de le successeur de Fèvre. Même s'il a récupéré tout l'héritage, c'est-à-dire le Collège de France, la sixième section et les annales, qui va lui donner entre 1956 et 1972 une énorme influence, une énorme autorité et la possibilité de recruter des anthropologues, des sociologues, des linguistes, etc., etc., qui ont fait éclater les choses à ce niveau. Mais pour lui-même, puisque pour répondre vraiment à la question que vous me proposiez, la vie de Braudel s'est construite autour de 3 grands projets éditoriaux. Le premier a été la Méditerranée. On lui avait donné le sujet sur la politique de Philippe II en Méditerranée. C'était Auxerre qui lui avait donné ça. Il est parti avec ça. Bon, c'était normal un peu à l'époque. Il avait pas encore 21 ans quand il passe la Grèce. Il l'aura après. Et puis il va porter ce sujet-là jusqu'en 1966, et en le reprenant pour la télévision, mais en disant qu'il n'y aura pas de troisième édition de la Méditerranée. Mais à ce moment-là, il a déjà entamé, depuis le début des années 50, à la demande de Fèvre, le projet qui va conduire à civilisation matérielle, économie et capitalisme, qui va l'occuper, alors qu'il recouvre en partie, qui va l'occuper jusqu'en 1978. Et puis, à peine il a donné le bon à tirer des trois volumes de la trilogie en 78, dans le mois qui suit, il écrit 80 pages, première mouture des 80 pages d'identité de la France. Mais l'identité de la France, c'était son cours du Collège de France de 70-72. Alors il n'a pas eu le temps de réaliser le troisième. Mais donc, il a joué sur tout un ensemble de choses, sur tout un ensemble d'informations, à partir d'une position privilégiée, c'est que pendant une trentaine d'années, tous les jeunes chercheurs dans toutes les disciplines qui cherchaient, je vais dire, disons-le vulgairement, se faire mousser, chercher à avoir un devoir bordel, et dans l'heure que Bordel leur consacrait, mais ils se défonçaient pour être aussi voyants que possible. Mais parce que c'est ça, on l'a évoqué, mais c'est d'ailleurs très impressionnant quand on regarde Fernand Braudel, au sein de ce monde de la recherche, vous l'avez évoqué, la sixième section de l'école pratique des hautes études, qui devient l'école des hautes études en sciences sociales, le Collège de France, Anne-Lise Neff, incontournable, Braudel. Et là, je mets de côté les ouvrages, la pensée, je suis vraiment dans l'institution. Effectivement, il a une position institutionnelle très forte, qui se renforce par ailleurs du fait qu'il est à un moment au jury d'agrégation. Qu'il a utilisé aussi comme un lieu de pouvoir. Et il va également, on n'en a pas parlé, mais essayer d'avoir une influence dans le secondaire à travers ce qui aurait dû être un manuel, donc la grammaire des civilisations, et qui est en fait une sorte de manuel sur l'histoire des civilisations, on peut dire sur l'histoire du monde, qui n'a pas tellement été d'ailleurs retenu dans le secondaire, mais enfin il pense d'une certaine manière l'histoire à tous ses étages. Et pourquoi ? Parce que c'est un moment donc où un certain nombre d'autres disciplines sont en train de, ont aussi le vent en poupe, l'anthropologie, la sociologie, bon, il y a Lévi-Strauss, etc. Et son idée, c'est que c'est l'histoire qui doit être, disons, la discipline reine qui permet de réunir l'ensemble. Il ne s'agit pas de faire disparaître, évidemment, les autres disciplines, mais c'est l'histoire qui doit diriger, d'une certaine manière, le reste. Et c'est ce qu'il essaie de faire institutionnellement, d'une certaine manière. Et de fait, il a une position extrêmement forte que Maurice Sémard vient de rappeler. Alors, peut-être que 1968 est un peu là-dedans un moment d'ébranlement, mais de fait, il continue et par-delà sa retraite à avoir une position et surtout une aura tout à fait importante. Ah bah oui, même au moment de sa retraite, simplement un mois avant sa mort, il se trouve dans un collège à Château-Vallon, et là, on a le Fernand Braudel, pédagogue. Vous connaissez le maréchal de Tessé ? Alors, tout le monde le connaît. Tout le monde sait très bien qu'il est né en 1651. Eh oui. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui essaie de démontrer qu'il est né en 1648. On lui donne 3 ans de plus. Mais qu'il ait 3 ans de plus ou 3 ans de moins, quand il arrive pour la première fois à Toulon, il écrit à Louis XIV, le roi de France, il écrit « Toulon, sire, n'est pas une place. N'est pas une place forte. C'est un jardin. » dans lequel, pourtant, est enfermé tout ce qu'il y a de plus précieux pour vous et dont la perte irréparable est indicible. Il se rend bien compte que la beauté de Toulon, c'est une petite ville, mais c'est une ville extrêmement belle. Même moi, enfin, de mon point de vue, j'aimerais beaucoup faire toutes les leçons comme ça. C'est très intéressant. On s'ennuie pas. Et bien voilà, Fernand Braudel, professeur au collège Alphonse Daudet à Château-Vallon, nous étions en octobre 1985. Maurice Aymard, il y a énormément de choses à retenir et nous évoquons aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture la figure de Fernand Braudel, sa réflexion sur la Méditerranée. Pour comprendre la Méditerranée, nous avons parlé géographie, nous avons évoqué les civilisations, on pourrait en parler des heures. Il y a aussi chez Braudel le temps. La réflexion sur le temps. Alors, là aussi, un poncif des étudiants en histoire, le temps court, le temps long. Mais on retrouve ça aussi dans sa démarche. C'est quelque chose qui, aujourd'hui encore, fait écho à la réflexion pour comprendre la Méditerranée. Oui, c'est-à-dire, tel qu'il le formulait, il disait finalement, les choses ne peuvent se comprendre qu'en les envisageant dans toute leur ampleur spatiale et dans toute leur ampleur temporelle. C'est pour ça que je dis maintenant, le meilleur des héritiers de Braudel, le plus grand livre sur la Méditerranée qui a été publié récemment, c'est par Cyprian Broadbank, professeur de préhistoire à Londres, c'est quelqu'un de remarquable, un livre qui n'a pas été traduit en français, mais qui a été traduit en italien, qui s'appelle « The Making of the Middle Sea », la construction de la Méditerranée, qui porte sur 1 900 000 ans. Ah oui, c'est le temps long. C'est très long. Ultra long. Et on a y compris la naissance géologique de la Méditerranée. Mais l'histoire, justement, de l'hydrographie, du climat, des végétaux, des animaux, jusqu'à arriver à notre histoire humaine, 50 ou 60 000 ans avant notre ère. Mais c'est un livre fascinant que je vous recommande et j'espère qu'il trouvera un éditeur français. Eh ben, les éditeurs nous écoutent. Alors, j'espère qu'ils vous entendront. Anne Nef, vous êtes spécialiste de ce monde islamique, émergence de l'islam en Méditerranée. C'est le sous-titre de votre livre Révolution islamique, 7e, 10e siècle. Avec toute cette réflexion que nous pouvons avoir sur la Méditerranée, parce que, on l'a bien dit, hein, le succès de Braudel, c'est ça aussi, c'est réfléchir à la Méditerranée. En 1949, l'Algérie, c'est la France, et puis l'Afrique, c'est souvent colonie. En 1977, quand paraît la Méditerranée, toujours de Braudel, la situation a changé, mais c'est l'Union européenne, enfin l'Europe qui se construit. On est sur le marché commun. Vous, quand vous étudiez particulièrement la Sicile, quelle pertinence peut avoir toute la démarche de Braudel? Vous êtes dans une exception avec cette Sicile où se croisent des musulmans, des chrétiens, il y a les Byzantins, il y a les Normands, tout le monde y va. Alors je dirais qu'en fait, Fernand Braudel pose plusieurs problèmes pour les objets que j'étudie, puisque vous l'avez dit, je suis spécialiste de l'histoire de l'islam et spécialiste de l'histoire de la Sicile. Alors, Fernand Braudel, sa Méditerranée pose un problème, c'est que c'est une Méditerranée qui est quand même beaucoup vue depuis le Nord. Ce n'est pas une histoire à part égale. Il n'a pas tellement sollicité, comme on dit aujourd'hui, il n'a pas tellement sollicité la documentation qui vient d'autres horizons que du monde latin et du monde occidental. Ça, c'est un premier problème. Et notamment, aujourd'hui, on montre très largement qu'à partir du 8e siècle, l'islam est très présent en Méditerranée. C'est le fameux, le célèbre livre « La Méditerranée des califes » de Christophe Picard, qui est vraiment très en contradiction avec ce que dit Braudel de ce point de vue, pour qui l'islam, c'est le désert, c'est ce qu'il écrit, c'est une contre-Méditerranée, c'est l'autre de la Méditerranée, ce qui est objectivement, historiquement faux. Donc ça, c'est un premier problème. Si on prend le cas de la Sicile, ça pose aussi des questions. Alors, non pas que Braudel se penche spécifiquement, longuement sur la Sicile, mais si on prend ce qu'il dit, par exemple, sur la Bulgarie, conquise par les Ottomans, ou ce qu'il dit sur la péninsule ibérique, conquise par les chrétiens contre l'islam à la fin du 15e siècle, enfin, fini d'être conquise, c'est relativement problématique parce que pour lui, en fait, les populations sont imperméables à leurs conquérants. Donc les Bulgares n'ont pas changé, les Espagnols n'ont pas changé. Donc de fait, un espace comme la Sicile ne peut pas exister puisque rien ne peut changer qui ne soit le substrat qui se perpétue au fil du temps. Et le problème de la civilisation, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est des continuités. Il n'y a pas d'évolution du monde social, d'une certaine manière, au contact des autres mondes sociaux. Et ça, c'est une des grandes limites, à mon sens, de Fernand Braudel. Et puis avec toujours cette réflexion sur les tendances générales, les cas particuliers, le temps long, le temps court, et puis l'évolution de la recherche, de la pensée, notamment, vous l'évoquez en sous-texte à Nizneff, c'est l'accès aux sources. Il y a ça aussi, ou la recherche des sources. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Fernand Braudel, par exemple, connaît quelqu'un comme Shlomo Goitein, qui est son contemporain exact, 1985, qui est un spécialiste des sources islamiques, et notamment des sources juives rédigées dans le monde islamique, qui écrit quelque chose qui s'appelle une société méditerranéenne en 5 volumes, sur les 10e, 13e siècles. Braudel est parfaitement au courant, mais de fait, il n'en fait rien. Mais c'est pas ça ce centre d'intérêt, en tout cas dans sa démarche globale, et on l'a dit, la pertinence est là, c'est certain. Il y a une réflexion sur l'islam, Fernand Braudel. Cette Méditerranée, donc, vous considérez d'une part qu'il y a beaucoup de Méditerranée, c'est enfin un ensemble de mers qui sont un labyrinthe de mers, plus ou moins, et en même temps qu'il y a tout de même deux Méditerranées, deux grandes Méditerranées, Oui, c'est-à-dire que vous voulez me ramener aux civilisations. Voilà. Il y a d'un côté le monde de l'Occident et de l'autre le monde de l'Orient. On peut bien dire que ni l'un ni l'autre ne sont simples. Ils sont simples ou ils sont unis, ils sont simplifiés quand il s'agit d'en parler, je dirais, très largement. Alors d'un côté, vous avez la chrétienté, de l'autre, vous avez l'islam. Mais au-delà de l'islam, vous avez eu à un moment donné le monde orthodoxe, le monde grec. Laissons le monde grec, il y a l'islam d'un côté, la chrétienté de l'autre. Et l'on peut bien dire que leur position ne change pas, ou change très peu. Que brusquement, on voit réapparaître tantôt les effervescences, les fièvres, les explosions de l'une ou de l'autre de ces civilisations. Nous étions en 1978, donc c'est-à-dire un an après la parution de l'ouvrage La Méditerranée, c'est Fernand Braudel, dans l'émission Agora sur France Culture. Maurice Aymard, sur cette histoire que nous évoquons, cette notion de civilisation qui serait un peu figée chez Braudel. Non, nous sommes bien d'accord. De toute façon, bon, il faut bien voir le moment où il fait sa documentation sur le terrain. Donc... elle va être essentiellement latine et occidentale, avec un seul élargissement, c'est les trois années passées, les trois semestres, longs semestres d'enseignement qu'il passe à San Paolo, où il découvre un monde qui le fascine précisément par les capacités d'intégration des populations, de toutes les populations qui ont convergé au Brésil, dans la société brésilienne, et qui dit qu'une certaine façon, le Brésil est en train de réussir là où la France a échoué en Algérie. Donc, c'est écrit, donc ça lui permet de voir la Méditerranée de loin. Mais il n'a pas mis les pieds, physiquement, il s'est arrêté à Dubrovnik, il n'est jamais allé en Grèce quand il écrit sa Méditerranée. Tous ces voyages, il les fera après. Et effectivement... Et sur le monde, sur la partie grecque de la tradition grecque de la Méditerranée, qui ne l'oublions pas, cette Méditerranée orientale, elle est séparée entre l'orthodoxie et la chrétienté romaine, et c'est exactement le partage de cet empire romain bilingue, dont qu'a justement rappelé Paul Venn. L'Empire romain étant le seul empire où il y a eu deux langues officielles et tout texte inscrit ou publié d'un côté apparaît aussi de l'autre côté en traduction. Et où l'élite doit être bilingue, doit être capable de faire un discours en latin ou de faire un discours en grec. Bon, c'est des coupures anciennes. Et ça, bien entendu, ça s'est fait après lui. Je crois qu'il l'a encouragé au moins, il a été très actif à intégrer dans le monde qui a circulé à Paris des chercheurs turcs, des chercheurs bulgares, je les ai connus, des chercheurs yougoslaves, tous ces gens-là sont arrivés. Mais ça, ils arrivent après. Quant à Goldstein, l'histoire, il faut tout de même voir la chronologie. Quand paraît la société méditerranéenne, lorsque Brodel a tourné la page de la Méditerranée. Mais si vous allez dans la correspondance, celui qui a identifié Goldstein à côté de Brodel, c'est Clemens Seller. C'est Clemens Seller qui l'a repéré, qui le signale à Brodel. Goldstein est invité à Paris, et il y a toute une politique de persuasion pour persuader Goldstein de publier son livre, qui sera un livre différent, en France. Solution qui a été refusée. Mais quand Goldstein écrit qu'il n'a jamais rencontré Brodel, c'est ce qu'il écrit. Ce n'est pas vrai. Voilà, il faut corriger les choses. Anne Lisneff. Alors, de fait, hein, ça a été bien étudié par Miller en particulier, donc absolument. Mais de fait, il n'en fait tout de même rien. Je continue de dire. Et notamment dans sa Méditerranée des années 70, puisqu'après tout, il aurait pu revoir ça. Or, elle est encore plus accentuée. C'est-à-dire que ce qu'on lit dans la Méditerranée, c'est vraiment que dans la Méditerranée années 77, c'est vraiment que l'islam est une contre-Méditerranée. Donc ça me semble quand même un problème. Par ailleurs, il présente vraiment l'islam dans la péninsule ibérique, je reprends ces mots, comme inassimilable, ce qui là aussi n'est pas sans poser de problème. Et il présente les civilisations comme des entités qui s'affrontent. Et alors ce qui est très intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'orthodoxie, de la Grèce, etc., c'est que pour lui, la disparition de Byzance, c'est parce qu'en fait, Byzance n'a pas fait preuve d'assez de haine vis-à-vis des autres civilisations. Je reprends ces mots, hein, c'est pas moi qui les mets sous sa plume. Donc c'est quand même une conception qui est un petit peu surprenante. Oui, c'est une conception surprenante, c'est une conception qui doit être contextualisée, mais alors contextualisée dans un moment de la pensée, puis contextualisée sur un individu lui-même. Je voudrais juste, Maurice Aymard, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, nous parlons beaucoup de correspondance, beaucoup d'écrits et beaucoup de Fernand Brodel, mais comme personnage unique, on peut évoquer Paul E, avec un E, son épouse. Personnage aussi très important dans cette histoire-là, qui l'a accompagné tout le temps. Et on le sait bien, hein, la pensée, ça se construit jamais seul. Il y a beaucoup d'échanges. C'est quelqu'un qui joue un rôle dans cette histoire-là. Absolument. Même si elle a été, au début, ignorée parce que pas suffisamment formée en histoire, trop jeune, etc., par les premiers, certains interlocuteurs italiens de Brodel dans les années 30, elle est essentielle. Et la situation matérielle est dédiée à Paul Brodel, à Paul Brodel qui m'a donné aussi ce livre. Et de même que la série sur l'histoire du capitalisme va être un volume dédié à Clemens Seller, oui. Hein, qui en était les deux personnes. Elle a été, j'allais dire, de son vivant, parce que c'était elle qui, non seulement cherchait les illustrations, elle travaillait les archives ensemble, elle tapait les textes, etc., etc. Donc Brodel avait un secrétariat pour ça, et après sa mort, c'est elle qui a mis en ordre tous ses papiers. Et qui a publié toutes les textes, et notamment l'identité de la France, mais pas mal d'autres choses qui ont été rendues disponibles, y compris les conférences de captivité. Les conférences de captivité, l'histoire mesure du monde, c'est elle. Et comme elle a eu la chance de mourir à 102 ans. Elle est décédée en 2017. C'est ça. Elle était née en 14. Elle était née en 1914. Et c'est vrai, hein, faut le dire, parce qu'il y a la construction aussi de l'image de Brodel. Cette image qu'il s'est construite lui-même, on l'a dit, par toutes ses responsabilités, par sa pensée, par ses ouvrages. Et puis après, il y a la mémoire que son épouse a portée à Paul Brodel. Donc c'était important de la placer dans cette histoire-là. Merci vraiment beaucoup à tous les deux, hein, Anne Lisneff, parce que il y a ici toute cette réflexion sur ce que représente Brodel dans l'histoire, et puis l'histoire de la Méditerranée qui s'écrit aujourd'hui, et notamment c'est le cas de la Sicile. Et merci vivement à vous, Marie Sémar. Parce qu'il y a du témoignage dans ce que vous nous avez apporté et toute l'analyse autour de la Méditerranée de Brodel. J'avais l'avantage d'être le plus vieux. Merci beaucoup. Pour nous, l'histoire continue avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi, au Moyen-Âge, le porc était-il associé au diable ? On sait que l'interdiction de manger du porc est un point commun entre le judaïsme et l'islam, ce qui n'est pas le cas dans la religion chrétienne. Pourtant, dans un passage de l'Évangile, il est écrit ceci. « Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Jésus ordonna aux démons de sortir de cet homme et d'entrer dans un troupeau de porcs qui paissaient dans la montagne toute proche, ce qu'ils firent. Tandis que le possédé retrouvait ses esprits et se mettait à prier, les porcs, au nombre d'environ 2000, se précipitèrent du haut de la montagne dans le lac de Tibériade. » Ce passage de la Bible a beaucoup frappé les hommes du Moyen-Âge. Pendant des siècles, il a été repris et commenté par les prédicateurs et les théologiens, contribuant ainsi à faire du porc l'un des attributs de Satan. Cette vision négative fut confortée par l'iconographie et les décors sculptés des églises. Le porc incarna alors l'image stéréotypée du péché ou des hommes pécheurs se conduisant comme des pourceaux. Pourtant, au Moyen-Âge, le cochon occupait une place essentielle dans la consommation de viande. À cette époque, en effet, très peu de paysans élevaient des bovins pour la nourriture, car on les utilisait surtout pour les labours et la fumure des champs. Le porc était apprécié car il était facile à nourrir. Mais cet avantage était aussi la cause des tabous concernant un animal qui n'hésitait pas à absorber des charognes, voire même des excréments mélangés à du son. La sale réputation du cochon était aggravée par les troubles qu'il provoquait dans son environnement. Les paysans se plaignaient des dégâts qu'il causait dans les forêts, en cherchant des faines sous les hêtres ou des glands sous les chênes. En ville, les porcs répandaient dans les rues les ordures qu'ils n'avaient pas pu avaler, allant même jusqu'à perturber les cimetières. L'historien Michel Pastoureau raconte qu'au début du XIIIe siècle, Philippe Auguste dut construire un mur suffisamment haut autour du cimetière des Innocents à Paris pour empêcher les porcs d'aller y déterrer les cadavres. Ces animaux étaient aussi la cause de nombreux accidents. En 1131, un cochon vagabond heurta le cheval du prince Philippe, le fils aîné du roi de France Louis VI le Gros. Philippe décéda à la suite de ses blessures. Pour éviter la répétition de ces événements tragiques, dès la fin du XIIe siècle, toutes les villes d'Europe prirent des mesures pour limiter ou pour interdire la circulation des porcs dans les rues. Malgré toutes ces références négatives, la consommation du porc n'a jamais été interdite par l'Église car elle repose sur une doctrine et des pratiques caractérisées par le refus de tout interdit alimentaire absolu. La consommation du porc est même devenue, au fil du temps, une dimension importante de l'identité chrétienne, par opposition aux autres religions. À l'époque moderne, lorsque les chrétiens d'origine juive ou musulmane furent soupçonnés d'être restés secrètement fidèles à leur religion antérieure, l'Inquisition fit même de l'interdit concernant la consommation du porc un critère pour repérer les déviances. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Élise Le. Émission préparée par Mathieu Coppal, Jeanne Delecroix, Anne Toscane-Viudet, Jeanne Coppet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'application Radio France.